Estelo Yuru Wando. Banambosali Simba danse, Paris servi, oh Simba danse, oh Simba danse, Banabakabu Simba danse, États-Unis, Paris servi, Europe servi, oh Simba danse. Banabakabu Simba danse. Afrique servie, Asie servie, Banama Kebze Simba danse, Rokado Wando, Eric de Doha Plaisir, Doha Plaisir de Wando, Bana Yandoule, oh Simba danse, oh Simba danse, Banama Australie Simba danse, Paris servi, oh Simba danse, oh Simba danse, Panama Kebze Simba danse, États-Unis, Paris servi, Europe servi, oh Simba danse, Panama Kebze Simba danse, Afrique servi, Asie servi, Panama Kebze Simba danse, Panama danse, professeur il ira. On va danser. Allez Jambito, allez moi, à Jambito, Oyaka Domine, à Jambito. Allez Tiki, moi, Natime, de la Mette, Comine, Bandan, de Santre, ah. Allez Yaya, Gobe, c'est la Pizza, de la Kataka, Domine, de la Hane, moi, allez, allez, allez, Allez pour le kimosi tete, le kimakimosi bamba bamba. Yaka yaka domine, yaka yaka romise kibamba bamba bamba. Amalende, amalende, amalendo, amalende, amalende, amalendo, amalendo, amalendo, yo yo. Adengene, wazambi, adengene, wazambi, adengene, radaro. Jiro bintek. Jacques Itumu, oh Michlov, Charofa, aussi au Wano. Roboti robota. Mokoto, dana nebiso, dana kubina, dana bote, kizanala. A kizanala, kubina kite, kizanala. A kizanala. A kizanola ye, kizanole. A kizanole. A kizanole. Albert Mukepen, à Lille. Wali Santrale, yaka mama yaka dobina mo. Wali Santrale, mama mama yaka dobina mo. Wali Santrale, wa Santrale, wa Santrale, wa